commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, on se courbe devant toi ce matin, parce qu'en ouvrant ta parole, c'est un geste symbolique de notre désir profond de s'humilier et de se mettre à tes pieds, afin que tu nous instruises. C'est une façon de dire que nous avons besoin d'apprendre. C'est une façon de dire aussi que nous ignorons encore beaucoup de toi. Ta parole nous dit que ça va prendre l'éternité pour te connaître. Donc, ça n'aura jamais de fin. Donc, pendant les minutes qui sont allouées à l'étude de ta parole, on te demande que tu puisses nous faire paraître le Fils plus beau que jamais, que tu puisses nous faire paraître ta personne, afin qu'on puisse bien comprendre tout ce qui se passe autour de nous, dans nos vies personnelles, dans nos vies d'Église, dans le monde qui nous entoure. Donc, que par ton Esprit, que par ton Esprit Saint que tu as fait habiter dans tes enfants, on puisse être illuminé et partir d'ici encouragé et fortifié. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous continuons dans Éphésiens, on va être dans le chapitre 3, si vous voulez y tourner. Mais avant qu'on commence, on va résumer un petit peu qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date. Dans le chapitre 1, nous avons vu que Dieu avait un plan de toute éternité, un plan avant le commencement des temps. Dieu avait un plan dans sa tête, un plan de qui vous concerne, qui me concerne, les croyants. Un plan qui était pour la louange de sa gloire. On a vu ça dans les premiers 14 versets, il y avait 6 fois, si je ne me trompe pas, pour la louange de sa gloire. C'est pour lui qui fait tout cela. Et c'est pour se révéler qu'il fait tout cela. Nous, on a tendance, en tant que pécheurs, à se cacher derrière des masques. Alors, vous ne faites pas ça, vous autres, correct. Moi, je vais le faire encore, mais vous autres, vous êtes tout rendus plus loin que ça. Mais on a tendance à se cacher. On a tendance à vouloir que les gens nous voient pire ou mieux. Mieux, hein, qu'on est en réalité. Parce que, mais Dieu, lui, son désir profond, c'est de se révéler. Afin que les gens le voient tel qu'il est. Pourquoi voudrait-il cacher de la perfection? Pourquoi voudrait-il cacher qui il est? Nous autres, c'est compréhensible qu'on veut cacher qui on est. Et Dieu a ce plan-là, c'est ce qu'on a vu, et il dit, dans ce plan-là, il décide de bénir des gens, et il dit, je vous bénis, puis là, il nomme toutes les bénédictions qu'on a vues ensemble, et il va accomplir ce plan-là, on a vu dans le chapitre 2, qu'il a accompli ce plan-là à travers Jésus-Christ. Ce fils-là, ce fils bien-aimé qui était avec Dieu, ce fils unique, comme on l'a vu ce matin, et il va s'incarner, il va se faire homme pour venir accomplir le plan de Dieu. C'est, à ma compréhension, c'est lui qui l'accomplit, ce n'est pas nous. C'est lui qui accomplit ce plan-là. Donc, il a accompli ce plan-là et nous en sommes les bénéficiaires. Nous en sommes les gens qui en jouissent de ce plan-là. Mais en même temps, on va voir ce matin à quel point que c'est des fois c'est différent de ce qu'on pense, l'Évangile. Et on a vu ça ensemble, c'était pour sa gloire. Et ensuite, on a vu qu'il va accomplir cela par Jésus-Christ. Et ce matin, on va voir qu'il y a un mystère que Dieu va révéler. Quand vous entendez le mot « mystère », pour vous autres, les catholiques, d'arrière-plan un peu, là, le mot mystère, ça veut dire quoi? Quelque chose d'incompréhensible. Tu vois, t'as dit quoi? On ne peut pas connaître. Mais la Bible, c'est, quand elle dit le mot mystère, ça ne veut pas dire ça. Nous, on pensait ça. Ah, le mystère de telle affaire, ah, le mystère de telle affaire. Ça veut dire, c'est un mystère, c'est pas compréhensible. Mais on va voir ce matin que Dieu va révéler un mystère Et dans la Bible, si j'avais jamais fait une étude sur ce terme-là, je vous encourage, prenez une concordance, sortez le mot mystère ou le mot mystérieux, et regardez ça, c'est intéressant. Les mystères que la Bible révèle en s'en allant. Et donc, je crois plus que Dieu révèle des mystères aujourd'hui, mais ils ont été révélés dans les Écritures. Et ce matin, on va en voir un ensemble dans le chapitre 3, à partir du verset 1. Le mot mystère, c'est quelque chose qui était caché. C'est un secret. Est-ce que les secrets sont incompréhensibles? Ben non. Mais ils sont cachés. Hein, vous dites à quelqu'un, je vais te dire un secret. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui le sait. Si tout le monde le sait, c'est plus un secret. Donc, il dit, le mot secret, ça serait un synonyme du mot mystère. C'est quelque chose qui est caché et qu'à un moment donné, est révélé, va sortir. Et Dieu révèle des mystères en s'en allant. Donc, quand vous lisez vos Bibles et que vous voyez qu'il y a une révélation du mot, de quelque chose, qu'il y a un mystère qui est révélé, vous devez tenir compte, pour bien le comprendre, du temps dans lequel il est révélé. Vous avez déjà posé la question, comment Moïse était sauvé et qu'il n'avait jamais entendu parler de Jésus ou de la croix comme telle? Je vous ai posé la question, comment Abraham a été sauvé? Il n'a jamais entendu parler de l'Évangile comme tel. Hein? Comment certains hommes de l'Ancien Testament, je dirais tous les hommes de l'Ancien Testament, en grande partie avec les prophètes, n'ont presque jamais entendu parler de l'Évangile. Hein? Oh, il y avait des révélations qui avaient été données, mais c'était loin d'être la révélation par la personne de Jésus-Christ. Bien loin de ça. Et c'est pour ça que quand vous lisez des livres de théologie de l'Ancien Testament, de la part des croyants, on a différentes façons d'interpréter le salut de l'Ancien Testament. Parce que on se demande comment ils peuvent faire si Jésus est le seul chemin et ils ne le connaissent pas. Vous savez que les Juifs, jusqu'au temps de Jésus, croyez pas à la Trinité. Les Juifs n'étaient pas un peuple trinitaire. Croyez pas à la Trinité. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a appelé, pas cette semaine, il y a deux semaines, quelqu'un qui m'a appelé, une chrétienne que j'ai baptisée il y a 25 ans, à peu près, qui était en train de se remettre en discipline dans son église parce que là, elle croyait maintenant, selon ce que j'ai pu comprendre, elle ne croyait plus à la Trinité comme on le croit nous. Elle a commencé à faire partie d'un groupe de chrétiens qui se présentent comme des chrétiens. Elle va là, elle, tranquillement, au bout de quelques temps, son mari dit, ben, je pense qu'il ne croit pas à la Trinité ici. Non. Elle dit, voyons donc, il croit à la Trinité. Parce que, tranquillement, ça a ressorti qu'il ne croyait pas à la Trinité. Puis, quand on a jasé ensemble, et souvent les textes qu'elle me citait, c'était des textes de l'Ancien Testament. Parce que la Trinité n'avait pas été révélée dans l'Ancien Testament. Elle existait, elle n'avait pas été révélée. Donc, il faut toujours faire attention, vous autres, quand vous lisez, et que vous voyez une révélation dans l'Ancien Testament, ou une révélation dans le Nouveau Testament, pour la comprendre, il faut lire dans le contexte dans lequel elle a été donnée. Parce que sans ça, on va probablement partir des affaires qui ne sont pas correctes. Et ce matin, quand on va lire cette révélation de Dieu, ce mystère qui est révélé par l'apôtre Paul, il va falloir le regarder dans le contexte qu'on est en train de lire, dans le contexte du Nouveau Testament, afin qu'on puisse le comprendre comme il faut. Donc, des mystères, il y en a eu à plusieurs reprises de révélés dans le Nouveau Testament. Et ce mot mystère, dans l'Épître aux Éphésiens, est utilisé 6 fois. C'est toujours le même mot dans l'original qui est là. C'est toujours le même sens. Quelque chose qui était caché, qui a été révélé. Et quand on a vu Éphésiens chapitre 1, verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Donc Dieu a une volonté qui était cachée. Et à un moment donné, il l'a révélé. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et c'est un des versets. Et ce matin, on va voir les 3 fois qui sont présentées dans notre texte de Éphésiens 3. Le mot mystère revient 3 fois. Donc, c'est pas trop dur à comprendre qu'il parle du mystère. Hein? Dans ce texte-là, ça parle du mystère. Et on va essayer de décortiquer qui, quel mystère, comment c'était révélé, tout ça, on va voir ça ensemble. J'ai 7 points, on va essayer de les faire pour qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que Paul veut dire aux Éphésiens pour comprendre. Mais pour bien comprendre, il faut que vous saisissiez qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là. Dans l'histoire du peuple juif, ça fait 4000 ans avant Jésus, à peu près, ceux qui croient à une jeune terre. Quelqu'un m'a envoyé un article cette semaine là-dessus, les 10 preuves d'une jeune terre. C'est lui. Et si vous croyez à une jeune terre, mettons de 4, 5, 10 000 ans, voyons, je t'ai rendu. Je vieillis. Oui, j'ai eu ma fête cette semaine, je vieillis. J'étais en train de... OK, les Juifs, pendant, ils ont été, dans leur histoire, ils sont un peuple à part. Ils sont toujours différents des autres. Ils ont une foi différente, ils ont une façon de s'habiller différente, ils ont une façon de se comporter différente, ils ont une façon d'adorer différente, ils ont un Dieu différent des autres, et ils sont à part des autres. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez qu'ils sont à part des nations. Et Dieu chasse les nations devant eux autres, détruit les nations qui les persécutent, et Dieu les met à part des autres. Et c'est ancré dans leur culture depuis des millénaires. Ils sont à part des autres. Et si vous rencontrez des Juifs aujourd'hui encore, qui ne sont pas croyants, vous allez voir qu'ils croient encore qu'ils sont différents de vous. Puis si vous lisez certains articles de Juifs chrétiens, ils pensent des fois qu'ils sont encore différents de nous qui sommes chrétiens aussi. C'était tellement entré dans leur pensée qu'ils étaient un peuple à part des autres. Quand Dieu va dévoiler un mystère, que c'est plus ça, et c'est pas facile à comprendre puis à croire pour eux autres. C'est pas évident de comprendre ça. Et si vous voulez voir ça en visu, lisez les Actes des Apôtres et vous allez voir tous les problèmes dans l'Église qui surgissent à cause des païens et des Juifs. Ça fait, à la fin des Actes des Apôtres, on a 30 ans ou 40 ans d'histoire de l'Église et c'est pas encore réglé tous ces problèmes-là. C'était très dur pour les Juifs de croire que moi, François, païen, maintenant, j'avais droit à toutes les promesses que les autres ont droit. Je me souviens, quand j'étais en Israël, j'ai parlé avec un rabbin, puis il m'a dit, « Hey, petit gars, j'étais jeune dans le temps, hey, petit gars. » Il dit, « Tu peux pas savoir, tu n'es pas un juif. Tu ne peux pas savoir. Si tu veux comprendre, c'est à moi qu'il faut te poser la question. Moi, je peux te montrer. Moi, je peux te conduire. » Nous autres, on est le peuple de Dieu. Voyez-vous, là, c'est encore là. Que pour eux autres, puis là, j'ai dit, ben, j'ai posé la question, j'ai dit, ben là, moi, je suis un païen, un gentil. C'est quoi qui est mon espérance, selon ta compréhension? Ah, c'est facile, faut que tu deviennes un prosélyte. Deviens un juif. Et Dieu va te bénir. Voyez-vous, donc, si ce gars-là se convertirait demain matin, puis qu'il arrive à l'église, pensez-vous qu'il n'y aurait pas des problèmes? Il va en avoir des problèmes à comprendre que c'est tout pareil, cette affaire-là. Donc, c'est ce que Paul va emmener un peu ce matin, parce qu'on va voir dans les autres mois que je vais venir, que dans l'église d'Éphèse, des problèmes entre les Juifs et les non-Juifs. C'est pas encore tout compris et connu. Hier, je parlais avec Patrick, on a passé notre journée à parler. Il m'a posé quelques questions et j'ai répondu. Et je vais vous donner juste le résumé de cela. Que mon désir personnel en tant qu'enseignant, c'est d'aider les chrétiens à comprendre c'est quoi la vie chrétienne. C'est tout ce que j'ai comme désir. Qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne? C'est quoi ça, cette vie chrétienne-là qui est différente du restant du monde dans lequel on vit? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Comment est-ce que ça fonctionne, la vie chrétienne? Parce que vous savez, il y a beaucoup plus de chrétiens qui quittent nos églises désabusés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe que vous pensez. C'est pas toujours les péchés comme on pense qu'ils amènent dans l'autre bord. Il faut juste pas comprendre qu'est-ce qui se passe. J'avais l'exemple de ça il y a une couple de semaines. J'ai rencontré un homme, ça fait 12 ans, qui était baptisé en Jésus-Christ. Et j'avais entendu dire qu'il avait rejeté la foi depuis quelque temps. Il n'allait pas à l'église. Enfin, je lui ai appelé. J'ai dit, tu t'entends-tu de me prendre un café? J'ai dit, puis je te le dis, là, on va parler de Dieu. On va pas prendre juste un café, pas prendre un café, là, je vais te parler de Dieu. J'aimerais te parler avec toi. Il dit, certainement, on y va. Fait qu'on s'est rencontrés. Puis, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, François, c'est pas ce que je pensais, la vie chrétienne. C'est pas ce que je pensais. Ce que je vis aujourd'hui, ce qu'on me présente, ce que je vis à l'intérieur de moi, c'est pas ça, la vie chrétienne, que je pensais que ce serait. Quand je l'ai accepté. Et on a parlé ensemble, et j'ai essayé de lui expliquer, selon ce que moi je comprenais, c'était quoi la vie chrétienne. Et j'ai dit à la fin, est-ce que tu es prêt à te repentir et à croire? Si c'est pas ça que tu pensais pas que c'était ça, maintenant, est-ce que tu es prêt à l'accepter maintenant que tu serais mieux, que tu comprendrais mieux? Est-ce que tu veux te tourner vers Dieu pour le servir et avoir le pardon de tes péchés? Tout ça? Il dit non. Je suis prêt à avoir le pardon des péchés, mais je ne veux pas servir Dieu de ce temps de ma vie. Tu vois, une mauvaise compréhension de ce que c'est la vie chrétienne. Lui, c'était converti par le ciel. Et tout d'un coup, il s'apercevait que ça ne fonctionnait pas tout à fait de même. Pas tout à fait de même seulement. Que Dieu s'attendait à quelque chose de lui. Que Dieu voulait quelque chose de lui. Que lui devait faire de quoi pour Dieu. Et là, il dit non. Il dit, je ne suis pas rendu là. Je ne suis pas capable de faire cette décision-là. Et j'ai demandé qu'est-ce qui avait enclenché le processus de vouloir rejeter Dieu. Il dit, c'était la prière. Je priais. Je demandais à Dieu quelque chose qui était tellement important pour lui dans sa vie, avec sa famille. Puis, c'est arrivé complètement le contraire de ce qu'il priait. Et il dit, c'est ça. Priez ça. Si Dieu n'est pas là pour nous aider, si Dieu n'est pas là pour faire de quoi qu'on a besoin de lui, j'en ai pas besoin de ce Dieu-là. Et oui, la compréhension qu'il y avait, une mauvaise compréhension de la Bible, l'amène à rejeter tout ça, s'en aller ailleurs. Comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Qu'est-ce qu'il est, lui, ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il a accompli par l'Évangile, ce Dieu-là? C'est pas quelque chose de toujours clair dans la tête de tous les croyants. Donc, nous allons lire ensemble, à partir du verset 1. À cause de cela, le cela, ça serait quoi? Chapitre 1 et 2, c'est facile à comprendre. Hein? À cause de cela, à cause de toutes ces bénédictions, de cette prédestination, de sélection, du fait qu'on est assis dans les cieux célestes en Jésus-Christ, le fait qu'on est un nouvel homme avec les païens, avec les juifs, qu'on a vu ensemble. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté. Qu'est-ce qui n'a pas été manifesté? Le mystère. Au fils des hommes dans les autres générations. Donc, Paul est en train de vouloir leur dire, dans les autres générations avant nous, ça n'a pas été dévoilé, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été manifesté aux hommes, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. Tout un passage. Donc, il n'est pas difficile de comprendre que ce texte parle du mystère qu'il y a en Jésus-Christ. D'un mystère qui était caché en Dieu et qui était révélé, qui était manifesté. Donc, la première chose qu'on voit au verset 1 et 2, c'est le mystère concerne les païens. Hein? Vous avez ça dans verset 1 et 2. Il dit, prisonnier de Christ pour vous païens. Ensuite, il dit à la fin, qui m'a été donné pour vous. Donc, il dit, j'ai reçu un don, j'ai reçu un appel, j'ai reçu un ministère, hein, un travail à faire par la grâce de Dieu, et c'est pour vous les païens. Donc, Paul ici a un mystère qui veut révéler, qui veut aider l'Église d'Éphèse à comprendre, c'est les païens. Dieu a quelque chose à dire aux païens de façon spéciale. Donc, ça vous concerne, vous et moi, qui sommes chrétiens, qui ne sommes pas juifs. Lui dit, j'ai quelque chose à vous dire. Et Paul dit, c'est à cause de ce mystère-là que je suis en prison, pour vous païens. Je suis en prison, et j'ai été malmené. À cause que j'ai voulu vous emmener ce mystère, vous parler de ce mystère qui vous concerne, vous les païens. Vous vous souvenez, un jour, l'apôtre Pierre est allé parler au premier païen qu'on a d'une façon claire, Corneille. Et quand il est revenu, qu'est-ce que l'Église y a dit? Y a-t-il tapé des mains et le félicité parce qu'il avait été évangélisé des païens? Non, on l'a quasiment excommunié. Il faut comprendre, c'est pour nous autres, on ne pense pas comme ça. Là. On arrive dans des textes de même, des fois, on a de la misère à comprendre. Mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi il parle de ça? Parce que pour les Juifs, là, les païens n'avaient pas de place là-dedans. Les Juifs croyaient que quand le Messie viendrait, il établirait son royaume et ferait mourir tous les impies. Il resterait juste les Juifs. Qui jouiraient du royaume de Dieu dans ce monde. Et là, pour les amener à être convaincus que c'est pas ça qui se passe, et il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Donc, ça, c'est la première chose. Ce mystère-là dont on parle concerne les païens. Verset 3 à 5. Le mystère a été révélé. Il dit ça au verset. Il dit 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère-là. Par le mot révélation, il faut comprendre, c'est quelque chose qui était impossible aux hommes de savoir. C'était impossible aux hommes de savoir de ce que Paul était pour parler. Si vous aviez pris David, Moïse, Abraham, et tous ces grands hommes de Dieu de l'Ancien Testament, et vous leur auriez demandé, comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour sauver Israël? Il n'aurait jamais sorti de la croix. Il n'aurait jamais pensé à ça. Jamais il n'aurait pensé à ça. Jamais, jamais, jamais il n'aurait pensé que Dieu était pour sauver Israël en envoyant un Messie faible, entre guillemets, et qui mourrait sur une croix comme un vulgaire criminel. Si c'est ça, il n'aurait pas cru du meilleur des autres. Il n'aurait pas cru. Puis quand il est venu, ils n'ont pas cru plus. C'est quelque chose, quand on dit qu'on parle de révélation, c'est quelque chose qui est impossible à connaître par la part des hommes, par leurs propres moyens. Personne ne peut le savoir. Donc, quand vous entendez soit des chants, soit des messages, soit vous lisez des livres, et que vous voyez que les gens ont eu des révélations, faites attention. Faites attention. Est-ce que ces révélations-là révèlent des choses qui étaient inconnues jusqu'à date et qui étaient impossibles de savoir autrement? Des fois, ça n'a rien à voir avec ça, non. Donc, une révélation, c'est quelque chose de caché, que les hommes ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas connaître, sans que Dieu le fasse, sans que Dieu révèle. Donc ici, il dit, j'ai eu la connaissance de ce mystère par révélation. Paul n'aurait pas pu le savoir de ce dont il parle s'il n'y avait pas eu une révélation de la part de Dieu. Est-ce que vous, vous avez eu des révélations? Moi, je vous dis que non. Ça m'en convient pas, vous n'avez jamais eu de révélation, vous autres. Mais vous lisez les révélations qui ont eu lieu. Vous en prenez connaissance des révélations. Vous les étudiez, les révélations. Vous essayez de les appliquer dans votre vie, les révélations. Mais vous n'avez jamais eu de révélation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est terminé, selon ma compréhension. C'est terminé le temps de la révélation. Parce que s'il y avait des révélations ailleurs, on serait comme nous autres, on pourrait dire, on est comme lésés. Parce qu'il y en a qui auraient des révélations plus que nous autres. Mais l'Église entière, de tous les temps, de toutes les places du monde, a toutes la même révélation sur laquelle bâtir l'Église. Si ça se passe dans un autre pays, à quelque part, les autres ont plein de révélations que nous, on n'a pas eues, bien, on est handicapé un peu par rapport aux autres. Ils en savent plus que nous autres. Mais non, Dieu étant un Dieu juste, donne à tout le monde la même révélation, puis il dit maintenant travaillez avec ça et bâtissez l'Église avec ça. Donc, Paul dit au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu mystère, que j'ai eu connaissance de ce mystère. Il dit au verset 4, et en les lisant, vous vous représentez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mot intelligence, c'est le mot, pour être traduit, le mot compréhension. Vous voyez quelle compréhension que j'ai, moi, Paul, par révélation que j'ai eue de ce que je vous ai parlé du chapitre 1 au chapitre 2, et j'ai eu une révélation dont vous voyez de quoi je vous parle. Donc Paul, je ne sais pas si c'est, il dit une place qui a été ravie au 7e ciel, non au 3e ciel, excusez pas au 7e, au 3e ciel, puis qu'il y a eu des révélations, je ne sais pas si c'est de ces moments-là qu'il parle. Puis j'ai entendu des choses ineffables qu'on peut pas révéler aux gens, qu'on peut pas dire. C'est, ça semblait tellement grand ce qu'il a entendu, Paul. Mais on ne sait pas ce qu'il a entendu. Lui, il ne sait pas. Mais c'est tout ça? Peut-être. C'est pas dit comme ça dans le texte. Mais il dit, j'ai une compréhension. Je peux vous dire quelque chose que d'autres ne peuvent pas vous dire. Vous imaginez-vous ça? Paul reçoit un message de Dieu par révélation, puis il est conscient qu'il est un des seuls êtres humains à savoir. Ça te fait une drôle d'impression. Dieu m'a dit quelque chose à moi, et je sais des choses que personne d'autre sait. Et mon devoir, c'est de le dire aux autres ce que j'ai entendu. C'est de dire aux païens ce que j'ai entendu, ce que Dieu veut qu'ils sachent eux autres. Donc, Paul, il dit, j'ai une compréhension différente. Et ce n'était pas toujours facile. Vous lisez, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Même l'apôtre Pierre, il dit que Paul a écrit des choses pas toujours faciles à comprendre. Mais ici, on a cette révélation qui lui a été donnée à Paul. C'est pour ça que nous croyons que les apôtres ont mis le fondement à l'Église. Ont mis les fondements de tout ce qu'on doit savoir en Église. Pourquoi est-ce que les apôtres ont un statut privilégié, entre guillemets? Parce qu'ils ont reçu des révélations que nous, on n'a pas reçues. Quand Pierre a reçu la révélation par la nappe qui descendait du ciel et qui est arrivée devant lui pendant qu'il priait, pendant qu'il était en extase, moi, je n'ai pas eu de ça. Je n'ai pas vécu ça. Mais lui, là, Dieu va dire quelque chose qu'il n'a pas dit encore. Et il s'apprend ça pour convaincre Pierre d'aller parler à un païen, à un non-juif. Puis il commence son évangélisation à Corneille. « Vous savez que je n'ai pas le droit d'être ici, hein? » Il dit une belle drôle de façon de commencer. « Vous savez que je n'ai pas le droit de venir ici et de manger avec vous autres. Mais Dieu a fait descendre une nappe, Dieu m'a convaincu par une révélation que c'était correct de venir manger avec vous autres et de vous amener l'Évangile. » Donc, c'était une des révélations que, c'est pour ça que nous, on croit que les apôtres, on base notre vie chrétienne sur leur enseignement. Pas sur l'enseignement de François, pas sur l'enseignement de Joe Blow, de John MacArthur, ou de Piper, ou ce que vous voulez. On base notre enseignement sur les apôtres, sur le fondement de l'Église. Il n'y en a pas eu d'autres que autres. Accepter d'autres comme Luc, qui a eu aussi pas des révélations autant que de l'inspiration, ok, mais il y a eu de l'inspiration. Paul, Luc ne va jamais dire qu'il y a eu une révélation. Il écrit des faits, il dit, j'étais voir des témoins oculaires, j'étais voir ceux qui avaient eu des révélations, je les ai demandé qu'est-ce qu'il y a eu comme révélation, je l'ai écrit, puis je te l'ai envoyé, mon Théophile. Lui, il ne dit pas qu'il y en a eu, mais il était voir ceux qui en avaient eu. Donc, même quand l'Église d'Antioche a des problèmes dans son Église, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des gens à Jérusalem pour parler avec les apôtres. Les apôtres avaient une autorité sans que personne ne contestait. Il y avait des révélations aux autres. On va voir un petit peu plus loin ça. Le verset 5, il dit que ce mystère-là lui a été révélé par l'Esprit de Dieu. Donc, le moyen pour révéler à Paul les vérités, c'est le Saint-Esprit. Puis il dit au verset 5, l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Donc, il y a eu deux groupes qui ont reçu des révélations qui concernaient le plan de Dieu, qui concernaient l'entrée des païens dans l'Église. Et ça a été les deux groupes, c'est les saints apôtres et les prophètes de Christ. Donc, c'est ces deux groupes-là qui ont reçu la révélation que Paul va parler ici. Maintenant, le verset 6. Là, il parle, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, ça, c'est ça le mystère. Le mystère, il dit, les païens deviennent un avec les Juifs, pas avec tous les Juifs, avec les Juifs sauvés, le peuple de Dieu sauvé. Ils disent ensemble, ils deviennent un corps, une nouvelle entité, et puis les deux sont égales. Il n'y a plus de différence entre les deux. Faites attention quand vous commencez à étudier la fin des temps, quand vous commencez à étudier d'autres choses, des fois on a tendance à rediviser, en arrivant dans l'Apocalypse, les Juifs des païens encore une fois. Je ne suis pas sûr qu'on fait la bonne décision. Faites attention de ne pas rediviser cela. Vous dites, ah ben Dieu, ils ont uni pour l'Église, c'est pour ça qu'il est désuni encore une fois. Pas sûr que c'est ça qui se passe. Mais je crois que il dit, le mystère que je vous révèle, c'est que les Juifs et les non-Juifs font maintenant partie d'un même corps, ils ont le droit aux mêmes promesses, ils sont co-héritiers les uns les autres, donc je suis héritier avec Abraham, je suis héritier avec Moïse, je suis héritier avec David, ils n'en ont pas plus que moi, je n'en ai pas plus qu'eux autres, on a le même héritage. Même héritage. Ils ne sont pas spéciales. Ils ne sont pas spéciales. Ils ont été spéciales par une secousse, mais maintenant Dieu révèle quelque chose. Maintenant, j'unis les deux, les païens et les non-juifs, hein, et les juifs, excusez, et les met ensemble pour cela. Donc, il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a pas de groupe de chrétiens. Il n'y a pas de mouvement chrétien. Il n'y a pas de gang de chrétiens qui sont privilégiés sur d'autres. Hein. Mais bon, ça n'existe pas. Tout le monde a droit à la même promesse, tout le monde est co-héritier. La même fortune, je ne peux pas dire comme ça. Alors, on va voir les richesses incompréhensibles de Christ. C'est tout le monde est héritier des richesses incompréhensibles de Christ. Des fois, vous allez entendre, vous allez vous lire des gens qui croient qu'il va y avoir différentes choses pour les chrétiens. Moi, je crois en ceux-là. Vous pouvez y croire, c'est votre privilège. Moi, je crois que, à cause que ça vient, c'est en Jésus-Christ. À cause que c'est en Christ, il ne peut pas avoir de différence. Parce que j'ai été mis participant à la promesse à cause de ce que Jésus-Christ a fait. À cause que je suis en Christ. À cause que je suis un avec lui, que je suis attaché avec lui, je suis devenu co-héritier. Et tous ceux qui sont attachés en lui, peu importe la longueur de temps qu'ils ont vécu leur vie chrétienne, parce que moi j'ai déjà demandé ça à mon pasteur quand j'étais jeune chrétien, « Ouais, mais pasteur, si moi je vis ma vie chrétienne pendant 60 ans, puis je me donne à plein pour le Seigneur, et l'autre lui est sauvé, puis il meurt 3 jours après, il va avoir les mêmes bénédictions que moi? » Et bien, il m'a dit, continue à lire, là, je reviendrai à tuer un moment donné. Mais eux, qu'est-ce que vous croyez, vous autres? Est-ce qu'on a toutes les mêmes bénédictions? Si oui, ça veut dire que ça ne dépend pas de ce que je fais pendant ma vie chrétienne. Est-ce que le larron sur la croix que Jésus lui a dit, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Alors, vas-tu avoir les mêmes bénédictions que nous? Oui, c'est ce que je crois personnellement. Parce que les bénédictions et les promesses, on en vient héritier par le fait qu'on est en Christ. En Christ. Donc, ce message, cette vérité qu'on est devenu un. Et si vous voulez bien comprendre, des fois, qu'est-ce que vous allez hériter? Parce que vous êtes co-héritier avec les Juifs. Ensemble, vous êtes devenus co-héritier. La Bible nous dit dans Romains qu'on est co-héritier aussi avec Jésus. Et que je pourrais jamais assez vous encourager à aller étudier qu'est-ce que c'est que cet héritage-là. Qu'est-ce que c'est que cet héritage-là? De quoi est-ce que vous êtes co-héritier? Vraiment intéressant de s'arrêter et aller sonder, voir les Écritures et dire qu'est-ce que c'est que tout cet héritage-là que je vais avoir? Ça me fait déjà du bien de savoir que je vais être co-héritier avec les Juifs, parce que les Juifs étaient un peuple spécial. Mais ça me gonfle encore bien plus de savoir que je suis co-héritier avec Christ. Avez-vous déjà fait une recherche? Qu'est-ce que Jésus va hériter? Tu peux mériter tout ce que tu veux, moi je vais hériter la même chose que Christ, je suis correct pas mal. Ça m'en donne pas mal, vous savez. Et juste le fait de qu'on me dise ça, même si je ne comprendrais pas tout ce qu'elle veut dire, si le petit peu que je peux comprendre, je me dis, ça va être grand, ça va être formidable, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait chair, et lui, il va hériter de quelque chose, puis moi, j'hérite avec lui. Yes! Moi, je suis d'accord. Je le prends. Peu importe c'est quoi, je le prends. Mais c'est intéressant de le savoir. Hein? C'est intéressant de savoir qu'est-ce que je vais hériter. Verset 9, 7 à 9, Paul dit qu'il annonce ce mystère aux païens. Paul avait été mandaté par Dieu au verset et dont j'ai été fait ministre. Le mot ministre, là, c'est pas premier ministre, si vous dites à quelqu'un que vous êtes un ministre, ils vont vouloir avoir des faveurs de vous autres, là, parce que vous êtes quelqu'un d'important. Mais le mot, c'est le mot serviteur qui est là. C'est moins stimulant. On se prête à Dieu dont j'ai été fait. Y en a-t-il qui ont des traductions qui marquent serviteur? S'il y en a qui ont des traductions comme ça, il y en a des traductions qui mettent serviteur. Donc j'ai été fait serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Remarquez bien, c'est important qu'on saisisse. En tout cas, à partir du mois de août, septembre, je vais faire une série de vidéos sur les actes des apôtres. Et mon but, c'est d'enlever un paquet de tabous qu'il y a au niveau de l'évangélisation dans l'Église. Hein. Un paquet de tabous qu'il y a dans nos Églises. Hein. Paul, il dit, moi, je suis un serviteur et j'ai reçu ce mandat-là par grâce. Hein. Donc, il n'a jamais mérité de faire ça. Il n'a jamais fait quoi que ce soit dans sa vie chrétienne pour mériter cela. Il n'y a personne d'entre nous qui va mériter d'annoncer l'Évangile par notre vie chrétienne. Ça n'existe pas dans ma vie, ça. Ça n'existe pas. C'est une grâce d'œuvrer pour Dieu. C'est quelque chose qu'on mérite à force de bonnes œuvres chrétiennes, à force de prières, à force de lecture, ou à force... Parce que dans nos églises, on a cette tendance d'étiqueter les bons, mauvais, moins bons chrétiens. Si tu fais ça, tu as le droit de faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas le droit de faire ça, toi-là. Mais on a tendance à mesurer. Pourtant, la Bible nous dit que c'est toujours par grâce qu'on fait un ministère quelconque. Toujours par grâce. On n'a pas mérité. Si Dieu vous appelle à un ministère quelconque, il ne vous appelle pas parce que vous êtes un bon chrétien, il vous appelle par grâce. Je ne vous dis pas de ne pas désirer d'être un bon chrétien, mais ce n'est pas à cause de ça qu'il va vous appeler. Il dit, Paul le voit comme une grâce. Paul le voit que verset 7, c'est par sa puissance, il dit par la puissance, par l'efficacité, ça m'a été accordé, par l'efficacité de sa puissance à lui. Il m'a été donné à moi d'avoir cette puissance-là, cette force-là, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Et que je n'entends pas ça souvent. Je ne le dis pas souvent non plus. Vous devriez l'entendre, je devrais le dire moi plus souvent. Paul, était-tu franc quand il dit ça? Était-tu honnête? Mais non, c'est juste faire un show-off chrétien. dans son corps, dans sa perception de lui-même, quand il se regardait dans le miroir, est-ce qu'il disait honnêtement, je suis le moindre de tous les saints? C'est vraiment spécial. Nous, on voulait qu'on le présente quasiment comme un héros, puis un apôtre, puis quelqu'un de grand qui a fait des grandes choses dans sa vie chrétienne. Il a conduit des centaines, peut-être des milliers d'hommes au Seigneur. Hey, ça, c'est un grand homme de Dieu. Lui, il dit, moi, je suis le moindre de tous les chrétiens, de tous les saints. Et que ça nous remet à notre place, puis dire, peu importe ce que je fais, si vous en faites plus que les autres, vous ne méritez rien de plus que les autres. Vous devez juste dire, comme Jésus dit, dites, je suis juste un serviteur inutile. J'ai juste fait ce qui m'était donné de faire, c'est tout. Je suis juste un serviteur inutile. Mais c'est pas ça qu'on voit tout le temps. C'est pas ça que j'ai fait tout le temps. On tendance à comparer, puis on pense qu'on en fait plus que les autres dans l'Église, puis moi j'ai fait ci, puis je fais ça, puis les autres font rien, puis tout. My. Faisons attention. Faisons attention. J'ai reçu une grâce d'annoncer le mystère. J'ai reçu la puissance. Je l'ai reçu, malgré que je suis le moins de tous les apôtres, d'annoncer quoi? Les richesses incompréhensibles de Christ. C'est qu'est-ce que c'est que ces richesses-là? C'est l'Évangile, n'est-ce pas? C'est ce que l'Évangile apporte. Ce que l'Évangile donne à l'être humain. Ce que les évangiles produisent dans le cœur du croyant pour qu'il devienne un serviteur de Dieu et qu'il glorifie Dieu le restant de sa vie. Des richesses incommensurables, des bibles qui ont traduit, il me semble, insondables. Il y en a qui disent que le mot parle autant de quantité que de qualité ou de grandeur de richesses. Les richesses incompréhensibles qu'il y a en Christ. C'est pour ça que, personnellement, je crois que quand j'ai reçu Christ dans ma vie, j'ai tout reçu ce que j'allais recevoir. Dieu n'a jamais ajouté rien à ça. Parce que tout est en Christ. Et si j'ai Christ, j'ai toutes les richesses de Dieu. J'ai toutes les richesses de Dieu. Paul dit, je vous annonce à vous païens, par l'Évangile, que si vous recevez Christ dans votre vie, vous recevez Christ avec toutes les richesses qui viennent avec. Hein? Et vous faites partie du peuple de Dieu pour l'éternité. On ne peut pas gagner ces richesses-là. On ne peut pas les obtenir, ces richesses-là. Ils nous sont donnés par grâce. Hein? Ils viennent avec Christ. Tout à l'heure, je parlais avec notre ami du Madagascar, Québec, je ne sais pas trop comment le dire maintenant. Il dit, je vais rester dans la maison de mon épouse, Il parle de la maison de son épouse comme si c'était sa maison. C'est correct. Hein, c'est correct. Parce qu'il a pris la femme, il a pris aussi la maison avec. Bon deal, ça, chum. Parce que quand tu prends Jésus-Christ, tu prends tout ce qui vient avec. Tout ce qui est attaché à lui vient avec ça. Et tu le reçois par la foi. Et tu dis, j'arrive pas à saisir, en tout cas après 33 ans, à quel point je suis riche en Jésus-Christ. J'arrive pas encore à saisir. À quel point je suis riche. Je découvre d'année en année des richesses que j'ignorais que j'avais. Je les avais. Je ne sais pas gagner. Je les avais. Mais je ne savais pas que je les avais. Mais en fait, de découvrir la personne de Jésus-Christ, ce qui vient avec lui, je deviens de plus en plus heureux à m'en allant parce que je suis de plus en plus riche par sa grâce. Je n'ai rien fait pour l'avoir. Je fais juste découvrir ce que j'ai. Vous avez peut-être vécu ça avec vos enfants. Moi, j'imagine la vie chrétienne un petit peu comme ça. Vous mettez des enfants devant un gros coffre de jouets. J'en avais un gros chez nous. J'avais 6 enfants, j'avais un coffre 4 pieds par 2 pieds par 2 pieds, t'as plein de babelles. Quand il arrivait des étrangers chez nous, des enfants étrangers, ils se mettaient à fouiller dans le coffre de jouets. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils descendaient jusque dans le fond. Ils avaient toujours l'espérance de trouver un jouet qu'ils n'avaient pas chez eux. Un jouet nouveau! Un nouvel plus beau! Il fouillait, puis c'était tout à part à l'entour, puis il arrivait dans le fond. Oh! Là, je viens là-dedans, puis il regardait en arrière. Moi, j'imagine la vie chrétienne, c'est comme ça. Le coffre de jouets n'a pas de fond. Je vais fouiller pendant l'éternité, je vais toujours trouver des jouets nouveaux. Je vais toujours trouver des jouets nouveaux. Et c'est ça qui rend la vie chrétienne fascinante. de découvrir ce que Dieu a révélé à travers Jésus-Christ, à travers l'Évangile. D'apprendre à connaître. Je me force de dire aux croyants que je côtoie, découvre qui tu es avant de découvrir ce que tu devrais faire. Découvre qui tu es avant d'essayer de savoir ce que tu dois faire. Et c'est pour ça que les épîtres qui s'adressent aux chrétiens sont toujours les premiers chapitres devancés par ce que vous êtes, ensuite ils parlent de ce que vous faites. Pendant 11 chapitres dans Romains, il leur dit qu'est-ce qu'ils sont. Pendant 5 chapitres, il leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire. Éphésiens, 3 chapitres, ce qu'ils sont. 3 chapitres, ce qu'ils doivent faire. Mais ça précède toujours parce que vous ne devez jamais lire Éphésiens 4 et essayer de le faire si vous n'avez pas compris Éphésiens 3. Parce que si vous faites cela, vous allez faire comme j'ai fait dans le passé, ça devient long, ça devient dur, ça devient légaliste, ça devient épouvantable la vie chrétienne, et les gens s'en vont de l'Église. C'est trop dur. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. On les invite à donner leur vie à Jésus-Christ, on les invite à aller au ciel, c'est mort, puis à les sauver, puis ils viennent dans l'Église, puis là, c'est plus ça tout d'un coup qui se passe là. Il y avait un jeune homme qui m'a dit, François, tu prêches l'Évangile, tu dis qu'on est sauvé par grâce, mais un coup qu'on est sauvé, tu veux qu'on fasse des œuvres en pépette. Tu n'en veux des œuvres. Il dit, c'est pas ça que tu m'avais prêché pour venir au Seigneur. Mais oui, il y avait une différence, là. C'était pas une réalité. Je dis pas qu'il n'y a pas d'œuvres à accomplir. Oui, il y en a. Mais si je comprends bien qui je suis, l'apôtre Jean dit, la foi n'est pas pénible. La foi n'est pas pénible. La vie chrétienne n'est pas pénible pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas dur pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il dit, ce mystère-là, je voulais annoncer, moi, Paul, tout au long de son ministère, jusqu'à les derniers épîtres qu'il va écrire à Timothée, il parle de lui comme un quelqu'un qui était le plus petit, dont je suis le plus grand pécheur, mais le plus petit des saints. Il dit, je ne mérite à rien, j'ai persécuté l'Église, moi j'ai fait blasphémer le nom, je suis un non-rien, je suis rien, puis pourtant Dieu m'a utilisé, moi, pour que je sois un exemple pour tout le monde. Moi, quand je vois quelqu'un qui a de la misère à se converser, je leur dis, si Dieu a sauvé Paul, il peut sauver n'importe qui. Je leur dis, si Dieu a sauvé Paul, il peut sauver n'importe qui. T'es pas plus pécheur que Paul, ça se peut pas. Puis le deuxième, c'est moi. S'il m'a sauvé moi, il peut me sauver n'importe qui. Vous, on est des exemples. Vous êtes sur deux pattes, des exemples de la grâce de Dieu. Des exemples de la grâce de Dieu. Vous êtes des leçons de choses. Verset 9 et 10. Il disait que le mystère, de mettre en lumière le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pour ça que des fois je vous dis, essayez de découvrir qui est Dieu, parce que le mystère est en Dieu. Découvrir la personne de Dieu, automatiquement vous allez découvrir le mystère de Dieu. Vous allez découvrir ce que Dieu veut, ce qu'il est en train de faire, parce que vous allez connaître la personne de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, je me révèle, en me révélant, vous allez connaître ma personne, vous allez connaître mon plan, vous allez connaître mes désirs, ce que je veux faire dans la vie, ce que j'ai comme intention avec le royaume de Dieu. Il dit ça comme ça, il dit, afin que les... Là, ça, c'est pas mal intéressant. Je sais pas comment vous comprenez ça. Il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, quand Paul l'écrit, ça fait 2000 ans en arrière, par l'Église, la sagesse infinie variée de Dieu. Wouhou! Les autorités, c'est qui ça, cette gang-là? La domination, autorité dans le ciel. C'est qui cette gang-là? Les anges, je présume. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a Dieu, des anges, puis les croyants qui sont là, qui sont morts. Puis Paul, il dit, j'ai prêché ce mystère-là. J'ai prêché l'Évangile en Christ, le mystère qui était en Christ. Je l'ai prêché afin que les dominations et les autorités dans le ciel voient la sagesse de Dieu en regardant l'Église. On met une image, les anges dans le ciel regardent l'Église puis ils disent, waouh, Dieu est sage. Quand vous regardez l'Église, vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je dis? Je vous entends presque. Quand vous parlez de l'Église, qu'est-ce que vous dites? Comment la percevez-vous, cette Église-là? Est-ce que vous voyez que dans les gens qui sont ici ce matin, les chrétiens qui sont ici, les anges dans le ciel vous regardent et disent « Waouh, Dieu est sage ». Ça vous demande pas, ça vous donne pas une envie de crier un petit quelque chose? Ça vous donne pas une petite envie de dire « Qu'est-ce qu'il voit que je vois pas? Qu'est-ce qu'il voit qu'on voit pas, nous, des fois? » Vous êtes comme moi, vous avez tendance à voir plutôt les choses négatives, des fois, hein? Mais quand les anges regardent, Dieu manifeste sa personne. Dieu révèle sa personne. Dieu montre qui il est en faisant l'Église, en bâtissant l'Église, en sauvant l'Église. Il dit, regardez qui je suis. Regardez tous ces gens-là, tous ces païens-là. Regardez-les bien et vous allez voir qui je suis. Moi, quand j'ai compris ça les premières fois, je marchais sur la rue et je disais, regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi. Et vous allez voir comment Dieu est sage. Faut pas que tu dises à n'importe qui trop fort, parce qu'ils vont dire pétez un peu mon alette. Je sais pas si j'ai déjà compté ça. Je viens juste une fois par mois, je peux dépenser mon temps, tu peux. J'étais dans mon petit village à Sérémitino, j'étais sauvé. Puis là, dans ce petit village, il y avait deux rues. Comme ça, c'est tout. On était à mille avec tous les cultivateurs alentours. C'est pour ça, on disait, quand le derrière du char rentre dans le village, le devin est déjà sorti. C'était tellement petit comme village. Et, des fois, je perds mon idée. Ah, on va avoir 60 ans, c'est-tu acceptable? OK, bon, je m'en allais, puis j'étais jeune chrétien, puis je marchais, puis là, je voyais de mes yeux les gens ouvrir les stores pour regarder qui était le phénomène qui passait. Et tout le monde savait que j'étais baptiste, le seul baptiste dans tout le coin. Puis là, il était ça. Puis je savais que le prêtre parlait de moi le dimanche matin en chair. Il m'appelait le démon, puis il disait que c'était le démon, il ne connaissait pas ce qu'il dit. Fait que les gens, ils m'ont tout voulu avoir le démon, c'était moi. Puis là, je marchais un peu comme ça, tu sais, t'avais un petit peu la tête en bas. Puis Dieu m'avait dit, tu es mon fils. Lève-toi la tête, marche droit. Marche droit, t'es mon fils. C'est toi le gars le plus important du village, ça. Marche droit. Je me souviens, je levais les épaules, j'ai descendu du village. Il dit, t'es spécial, t'es mon fils. Il n'y a personne plus que toi ici, là. Il faut se rappeler ça. On est quelqu'un de très spécial à cause qu'on est dans Jésus-Christ. Très, très spécial. Et l'Église, les gens, moi, ça me perd de voir que les anges nous regardent, me regardent, puis voient la sagesse de Dieu. Donc, c'est bon à se rappeler ça. Le verset 12, verset 11, et selon le dessein éternel de Dieu qui a exécuté par Jésus à notre Seigneur, à qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous, païens, nous avons le même droit, la même capacité de s'approcher de Dieu avec pleine confiance. Les Juifs, quand ils pensaient de s'approcher de Dieu, eux autres, ils en tremblaient. Ils avaient peur. Encore bien moins les païens de s'approcher de Dieu. Paul avait été arrêté dans le temple en tant que chrétien parce qu'on l'a accusé d'avoir emmené des païens dans le temple. Donc, il dit, vous avez, vous autres les païens, le même privilège de vous approcher de Dieu que n'importe quel juif a aussi aujourd'hui qui est sauvé. Vous êtes des grands prêtres, vous êtes des sacrificateurs de Dieu. Vous avez le droit maintenant d'entrer dans la présence de Dieu avec pleine confiance. Il n'y a aucune peur, aucune crainte. Les enfants de Dieu ne devraient jamais, jamais avoir peur de se présenter devant Dieu. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Et on va terminer avec le verset 13. Là, il dit, aussi, je vous demande, vous autres les païens, de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Elles sont votre gloire. Il dit, je suis en prison à cause de vous. Mais est-ce que ça vous fasse rien? Ne vous en faites pas. Sans cela, vous ne serez pas sauvés. Parce que j'ai accepté d'aller en prison, mais vous pouvez vous réjouir parce que c'est ça que vous a amené le salut. C'est ça qui vous a fait de vous des enfants de Dieu. C'est ça qui a fait de vous des hommes et des femmes que les anges dans le ciel regardent. Moi, je crois. C'est pas si vous avez déjà regardé le film Troie avec Brad Pitt. Il dit dans le film, à un moment donné, il dit, les dieux sont jaloux de nous. Je crois pas ça, là. Mais il dit ça, lui, dans le film. Mais nous autres, on pourrait dire, est-ce que les anges seraient, en guillemets, jaloux de nous? Il n'y a pas un passage qui Oui, on est au-dessus des autres. On va les juger, les anges, les mauvais, mais les anges sont nos serviteurs. On est au-dessus des autres, dans un sens. Je crois pas qu'ils sont venus, puis ça serait péché, puis là, ça serait bien mal pris. Hein? Mais ils nous regardent, puis ils sont éblouis en nous regardant. Rappelons-nous ça, frères et sœurs, quand vous regardez un frère ou une sœur chrétienne, peu importe ce qu'elle vit, voyez-les avec les yeux que Dieu les voit. Et c'est un, ils sont une leçon de choses pour les anges dans le ciel. Dieu les utilise dans toute leur faiblesse et dans toute leur grâce hein, pour se manifester, pour se révéler aux autorités dans le ciel. Prions ensemble. Notre Père du ciel, tu es un grand Dieu, un Dieu plein de cachotterie. Plein de cachotterie. Et à travers les 2, 3 ou 4 000 ans d'histoire de la Bible, tu as révélé une petite cacheterie après l'autre. Tu as révélé un mystère après l'autre. Pendant 4, 5 000 ans, tu as révélé, siècle après siècle, un petit peu à la fois, qui tu étais. On te remercie, Seigneur, parce que si j'avais eu à inventer un Dieu, j'aurais probablement fait un totem. J'aurais probablement fait une roche. J'aurais vraiment sculpté un morceau de bois aussi, comme les autres. Personne n'aurait pu s'imaginer qu'un tel être existait. Il fallait que tu te révèles. Personne n'aurait pu comprendre le salut sans la révélation en Jésus-Christ. On te remercie que tu as bien voulu te révéler, et à cause de cela, nous allons t'adorer et te servir pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.